sais pas me dire je t'aime. Moi je te l'écrirai quand même. Tu ne sais que me dire sans cesse, girl I miss you. Tu ne sais pas me dire je t'aime. Moi j'essaierai quand même. I love you. Et toi? Do you love me too? Je te l'écrirai quand même. Tu ne sais que me dire sans cesse.